flambeau hardcore. Où je traîne mes yeux pendant hauteur et interprète pour mes scalas en jean et en survêt. Tire un coup de feu dans le ciel. Je souhaite la bienvenue à tous les frères qui vivent sur nos terres. Vigilance, deal dans le silence, hey. Depuis l'enfance, je vis et kiffe dans ma délinquance. En 15 rap, ça fume grave, ça tease bad. Pas de blague, Renoir, rap, ça y bab. On danse avec le diable. On vit dans la joie et dans la haine. Y'a du sang sur nos jeans, nos cœurs saignent. Difficile de rester clean. Autour de nous, le démon règne. Difficile de rester stain. Malgré les galères et les peines, nique sa mère, la vie s'enchaîne. Je viens de là où le rap domine. Je viens de là où le son fait péter la tête aux gamins et aux gamines. C'est Ando, éloquence, Roca, Hill, spécial homicide. Mission suicide, alors on shoot dans le tas. Porteur du flambeau hardcore. Mec, ça vient de Paris. On le suit des sweatshirts. Allez, c'est un son hardcore. Paris. Porteur du flambeau hardcore. Option pour touristes ici, 5000 délits sont subis, 10 000 MC, un roi qu'on bénit, celui qu'on élit, les lédits en sont ravis. Et deux, trois aigris tombés me maudissent, la jalousie du PARLIS. La vérité blesse, j'encaisse, plus de coups durs que mon compte encaisse. Rien de neuf sur le turf, toujours le même rond de keuf, des embrouilles de seuf, le respect se fait rare comme les bonnes. C'est pas qu'on nie, mais c'est dans un stress perpétuel que l'on vit. La bonne funk, une bonne sconquée, et tout s'oublie. La police me soucie, le manque de sous, si t'en as payé pour tous. Le champagne mousse, mon ouais, t'es bien ma douce. Tout rack sur la tête, Paris jean, basket blanche, autant de style qu'une nouvelle mixtape. Tranche de vie, ma ville aux 100 000 lascar vibre sous la même mélodie. Rare, clean, flou, slap, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici, ici. Porteur du flambeau hardcore. Mec, ça vient de Paris. On le suit des sweatshirts. Allez, c'est un son hardcore. Paris. Porteur du flambeau hardcore. Un truc mortel comme la COC, AITREMANE, ELOQNCE, plus la vibe c'est pour parier sa périphérie. Et ma couille fait pas le macaque ici, ça rétit de suite ma gouille de cam, descend massive, hardcore façon, ma pouka, tu vois ma cible. Pour pas me faire pouka, je reste cool, protège ma seuf, m'active, self-control, mâchoire serré. Dans le ghetto, je veux pas être enterré. Cocktail, sexe, violence, via Barisi, barrière, Cartarilla, drac, quand les parias squattent le haut. On s'anime, combien tu paries qu'en ce moment les mecs se brouillant du 9-1 au 9-3, en passant par le 7-5, se prennent pour des sexins. Bol marche à Châtelet, rare de voir un mec sain. De nos jours, la rage du ghetto fait fuir les médecins. Hey yo, mets le son, et là on met le feu. Porteur du flambeau hardcore. Mec, ça vient de Paris. Porteur du flambeau hardcore. Il fallait magnifique vie où les mecs vendent, mentent, se vendent d'être les plus vrais parmi les faux claris. Ça part plus avec le code de la rue que sur l'honneur et le cœur. Ok, t'es une caïra mais jamais un gangster. Joue pas les justiciers style grosse équipe quand y'en a même pas un qui est vrai dans votre équipe. Y'en aurait un, il sera en train de vous larguer. Ou avec il dans une caisse à fond en train de vous narguer. Tapez du bis, alors contre vous, vous tapez le vice. C'est 500 logés chérie, on sait faire claquer les strings. Avec la tête des plans comme braquer les brins. Frapper les flics, plaquer les miss, elles veulent pas cracher du bis. Aussi vite que je crache mon lyrics. XX 20ème, Panam Dram, BM chien. En club, 700 à 900 la taille, 200 la pipe. Dis que je de plus pour la passe. Ça qui se passe, te Paris. Porteur du flambeau hardcore. Mec, ça vient de Paris. On le suit des sweatshirts. Allez, c'est un son hardcore. Paris. Porteur du flambeau hardcore.